Dans Parole d'expert, Fabien Noirot, directeur du développement Grand Compte et ESS chez Harmonie Mutuelle, nous parle de l'absentéisme en entreprise. L'absentéisme touche 50% des salariés. Chez Harmonie Mutuelle, nous aidons les entreprises à trouver des solutions pour limiter l'absentéisme. Nous proposons aussi une couverture prévoyance complète et sur mesure pour éviter ou limiter la perte de revenus des salariés. Enfin, la garantie prévoyance s'opère dans un cadre fiscal et social avantageux pour l'entreprise. C'est du gagnant-gagnant. Plus d'infos sur harmonie-mutuelle.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Suite de notre série de cette semaine consacrée au printemps, nous y sommes, puisqu'aujourd'hui est le 21 mars, épisode de ce jour, le printemps et l'automne, les deux saisons rivales du romantisme. Chercher avec un certain effort pour trouver dans le romantisme français et d'une façon générale d'ailleurs dans la poésie française du 19e siècle un rapport serein et joyeux au printemps. De Chateaubriand à Mallarmé en passant par Nerval se lit plutôt une préférence pour le déclin automnal qui donne tant à penser et à créer aux poètes alors que le printemps saturé d'odeurs et de sève semble tous les épuiser, les étouffer même. Ce point méritera d'être éclairci par notre invitée d'aujourd'hui, spécialiste du romantisme français, Aurélie Foglia-Loiseleur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en lettres à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et par ailleurs écrivaine et plasticienne. Bienvenue ce matin dans Avec Philosophie pour nous parler du printemps et de sa rivalité avec l'automne dans les goûts des romantiques français. Et en contrepoint, je vous propose de regarder ce qui se passe au même moment et déjà quelques années plus tôt dans le romantisme allemand. Le renouveau printanier de la nature semble y susciter un lyrisme plus spontané et plus franc. Mais nous allons regarder tout cela de près avec notre autre invité, Daniel Cohn. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous aussi. Vous êtes philosophe, professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'esthétique allemande, en particulier de l'œuvre de Goethe. Mais pas seulement, nous parlerons ce matin de Novalis et aussi de la musique de Robert Schumann et du dernier Wagner. France Culture. Avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Le début du 19e siècle français apparaît quand même à beaucoup, au moins a posteriori, comme un nouveau printemps déclenché par la Révolution française. Et ce, même si ce legs révolutionnaire a très vite été contesté, recouvert. Dans vos travaux, Aurélie Foglia-Loiseleur, vous évoquez l'histoire du romantisme, ouvrage publié par Théophile Gautier en 1870. Or, dans son introduction, Gautier parle de ce début de siècle en ces termes, je vais le citer. Les générations actuelles doivent se figurer difficilement l'effervescence des esprits à cette époque. Il s'opérait un mouvement pareil à celui de la Renaissance. Une sève de vie nouvelle circulait impétueusement. Tout germait, tout bourgeonnait, tout éclatait à la fois. Des parfums vertigineux se dégageaient des fleurs, l'air grisait, on était fou de lyrisme et d'art. On avait retrouvé la poésie, ajoutait-il. Alors, Aurélie Foglia-Loiseleur, ce début du 19e siècle était-il en effet un nouveau printemps pour les poètes, perçu comme tel, ou bien les appréciations étaient-elles plus contrastées que ne le dit Théophile Gautier ? Alors, on voit que très rétrospectivement, Théophile Gautier décrit cette effervescence à travers cette métaphore filée du printemps. Et il prend aussi donc le repère de la Renaissance au sens historique, mais aussi sans majuscule, donc comme une renaissance, renaissance des arts. Il parle de sève de vie et on s'aperçoit ici qu'au fond, c'est comme une révolution en retard. C'est-à-dire qu'on voit ce hiatus, ce décalage dans le temps entre l'explosion politique de la révolution de 89 et puis plus tard, autour de 1820, l'explosion de la poésie lyrisme. Et je peux vous en donner un bon exemple avec les méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine, c'est 1820. Mmh. Et je citerai à l'appui une lettre de Sainte-Beuve qui dit plus tard, bien plus tard, à Verlaine, qui méconnaît le séisme qu'ont été ces méditations poétiques, on avait changé de climat et de lumière. c'était une révélation. Donc il y a vraiment quelque chose d'inaugural et qui reproduit donc ce qu'on peut rendre par cette métaphore végétale du printemps et qui reproduit une forme d'explosion et aussi de liberté. Je pense que c'est vraiment le souvenir de la Révolution française qui est à l'origine de cette métaphore du printemps du début du 19e siècle. Il y a quelque chose d'une révolution culturelle et d'un printemps des peuples dans le romantisme indéniablement. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on on a les piliers du romantisme, du premier romantisme français. On peut penser à Lamartine, Hugo, Chateaubriand est antérieur, mais c'est lui qui donne le « là ». C'est celui qu'ils admirent tous, n'est-ce pas ? Qui sont plutôt critiques par rapport à la Révolution française et qui en même temps en perpétuent l'énergie. Ils sont dans un rapport assez ambivalent par rapport à la Révolution française. Il faut penser que la France est un pays endeuillé, qui a eu des morts dans toutes les familles, qui a un véritable traumatisme de la terreur. Et donc ce deuil n'en finit pas. C'est ce qui donne cette modalité très élégiaque à la France post-révolutionnaire. Alors, élégiaque, mais un peu, du coup, s'ils sont plutôt dans les cercles contre-révolutionnaires, ce qui était le cas de la première génération romantique des années 1820, des revues comme la Muse française, etc., c'était comme les cercles contre-révolutionnaires, ce qui peut surprendre parce que les plus célèbres ont souvent changé de camp politique. Lamartine et Hugo sont devenus républicains bien après. Mais la tonalité, du coup, dans les cercles anti-révolution française n'est-elle pas plus tristounette? Justement, c'est pas tellement un printemps. Ou alors peut-être la restauration à partir de 1815 fait-elle que un printemps arrive après ce que les contre-révolutionnaires considéraient comme une catastrophe, c'est-à-dire la Révolution française? Exactement. Dans le vaste panorama historique que donne Musset au début de la Confession d'un enfant du siècle, on doit être autour de 1836, il dit, à la fin, il prend la parabole du laboureur et il dit « on avait tout détruit, on plante, on sème, et puis il y a cette période d'entre-deux où on se lamente encore sur ce qui n'est plus et on attend ce qui va venir ». Donc voilà, c'est une semaison et c'est une génération sacrifiée en quelque sorte qui attend une nouvelle germination et qui pense que ce sont leurs enfants qui en verront les fruits. Et Musset, politiquement, il se situe où ? Musset, il n'est pas très engagé politiquement. Après, c'est un aristocrate. Il fait quand même aussi partie de cette génération en sursis, des aristocrates qui sentent que leur rôle politique, économique, social au XIXe siècle n'est plus si assuré que dans un contexte d'ancien régime. Une société de caste. Il dit aux générations à venir, vous remercierez Dieu d'être nés pour cette récolte. Pensez à nous qui n'y serons plus. Dites-vous que nous avons acheté bien cher le repos dont vous jouirez. Le printemps est à venir et est pour les autres, c'est ça ? Exactement. Alors maintenant, essayons de comparer avec la situation allemande. Le romantisme allemand est antérieur au romantisme français. Ça se passe déjà, Daniel Cohn, dans les années 1770 ou bien, il faut pas exagérer quand même, ce ne sont que des prémices. Non, je crois que la question, c'est un peu, c'est pas qu'il faut pas exagérer, c'est que la chronologie ne colle pas, en fait, entre la France et l'Allemagne. Donc il y a... À l'époque de Jean-Jacques Rousseau, on a un Sturm und Drang en Allemagne. Et le Sturm und Drang, ça veut dire la tempête et l'élan, donc ça dit beaucoup. Et c'est évidemment vécu du point de vue français comme un pré-romantisme, si ce n'est un romantisme. Qu'est-ce que ça veut dire, Sturm und Drang? Alors c'est la tempête et l'élan. Donc c'est la passion, on dit parfois aussi pour Drang, ou c'est excessif? Non, parce que le Drang, c'est vraiment l'élan. C'est cette espèce de poussée qui le Sturm, la tempête, c'est un mot assez fort quand même. Donc c'est vraiment un mouvement de la jeunesse qui se révolte à tout point de vue sur le plan politique. Parce qu'ils ne supportent plus cette espèce de mosaïque de petites principautés avec des codes et des étiquettes qui sont complètement ridicules à leurs yeux. Ils ne supportent plus le rococo à la française et le fait que chaque principauté a besoin de faire un petit Versailles avec un château plus ou moins imposant et qui de toute façon ne rejoindra pas Versailles. Ils préfèrent l'Empire au prince, n'est-ce pas, dans le Saint-Empire romain germanique. Ça vient plus tard, en fait. D'accord. C'est-à-dire, et ils veulent respirer. La guerre de 30 ans, c'est fini. Ça a été le grand traumatisme. Tout le monde a vu la mort. Ils ont, et ils veulent respirer. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la nature devient assez vite une des sources d'inspiration, arrêter avec cette culture figée, momifiée et importée, parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre, je ne dirais pas, ce serait prématuré de dire nationalisme, parce que l'Allemagne n'existe pas, mais il y a quelque chose du genre, pourquoi ces modèles étrangers toujours? Et donc, par rapport à ces modèles étrangers, il y a un choix qui est fait très très vite et qui est la Grèce et Shakespeare. Et avec ça, les piliers du Sturm und Drang sont installés. Cette génération, elle secoue tout. Bon, Goethe et Schiller sont les figures dominantes. Goethe et Schiller. C'est vraiment et Herder s'est un peu fâché avec Goethe parce qu'il aimait trop Schiller. C'est vrai cette histoire? Oui, ce sont un peu, je sais pas, c'est tout le problème de la cuisine, Goethe, Schiller. Ouais. Bon, rien n'est plus éclairant que la correspondance Goethe-Schiller. Après, Schiller est un être généreux, donc il est convaincu du génie de Goethe. Ouais. Et il lui rend toujours hommage. Et Goethe s'inquiète que Schiller fasse de la poésie d'idées et que ses lectures philosophiques ne le détournent du monde qui les entoure. Donc, ils sont sur des positions différentes, tout en lisant les mêmes textes, en les commentant. Et ça se sent vraiment dans leur correspondance. Après, le rapport à Herder est encore... Oui, on y reste deux minutes. C'est quand même passionnant, puisqu'on part de la question politique. Nous allons, évidemment, vers la question de la nature. Hein, c'est le sujet de ce matin. Mais c'est pas inintéressant de faire la transition avec notre épisode d'hier sur la question politique. Comment tous ces gens voient-ils la Révolution française? On m'a suggéré que Herder, à un moment donné, allait changer politiquement et devenir, disons, plus nationaliste allemand. Ça va aussi l'éloigner de Goethe. C'est-à-dire que ce que fait Herder, c'est d'abord ce qu'il apporte, à mon avis, c'est d'ouvrir complètement le champ et de déverrouiller le côté la Grèce et Shakespeare. Donc, il ouvre à toutes sortes d'autres cultures, les cultures orientales, l'hébreu. Donc, il déverrouille un tout petit peu ce qui après tout, étaient les modèles en cours d'un classicisme à la française. Parce que le classicisme à la française visait plus Rome que la Grèce, ou du moins une Grèce latine. Mais malgré tout, il y avait aussi Shakespeare. Donc, si vous voulez, ça déverrouille. Après, sur la Révolution française... écoutez, ils sont tous enthousiastes en 89. Quand arrive la terreur, ils sont tous affolés. Et ça vaut pour toute la tranche. Ça vaut aussi pour Kant. Hein. Kant est complètement... parce que ça veut dire que finalement, la révolution tourne à la violence pure. Et c'est exactement le contraire de ce que veut l'Aufklärung. Parce qu'en fait... Le Sturm und Drang, il est à prendre comme un mouvement à l'intérieur des Lumières, quand même. On peut pas séparer ça. Et ça fait que le fait qu'il puisse y avoir la violence et l'immoralité qui gagnent, c'est une tragédie politique. Alors, on va revenir sur tout cela, évidemment, sur le rapport singulier à la nature, volontiers enchantée du point de vue des romantiques allemands, peut-être plus que pour les Français. Cette question politique ne nous quittera d'ailleurs pas tout à fait. Tiens, d'ailleurs, je vous propose de commencer par un texte de Chateaubriand dans René en 1802. Chateaubriand qui est vraiment le père de la génération romantique française, plus âgé qu'eux, mais tout le monde l'admire. On a vraiment l'impression, enfin, c'est clair et net, ça annonce tout le siècle français poétique. Vive l'automne, on écoute. Mais comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j'éprouvais dans mes promenades? Les sons que rendent les passions dans le vide d'un cœur solitaire ressemblent aux murmures que les vents et les eaux font entendre dans le silence d'un désert. On en jouit, mais on ne peut les peindre. L'automne me surprit au milieu de ces incertitudes. J'entrais avec ravissement dans le mois des tempêtes. Tantôt j'aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des nuages et des fantômes. Tantôt j'enviais jusqu'au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l'humble feu de broussailles qu'il avait allumé au coin d'un bois. J'écoutais ces chants mélancoliques qui me rappelaient que dans tout pays le chant naturel de l'homme est triste, lors même qu'il exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes et où nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré au soupir. délices de l'automne, de cette lyre un peu triste. Est-ce que ça donne le ton? Les romantiques français préfèrent l'automne au printemps? Oui, Aurélie Foglia-Loiseleur, pardon. On entend très bien cette modalité de la voix triste. On entend aussi les, on entend Jean-Jacques Rousseau. On entend les promenades, enfin les rêveries du promeneur solitaire. Donc j'ai prouvé dans mes promenades le vide d'un cœur solitaire, et on voit bien que Rousseau a réinventé les catégories de la sensibilité moderne. Oui. Donc voilà, Chateaubriand est sur les traces de Rousseau, mais on pourrait dire qu'il apporte encore quelque chose qui est peut-être imprégné de cette douleur et de cette terreur de la Révolution française. Théophile Gautier, dans son Histoire du romantisme, dit deux choses très belles à propos de Chateaubriand qui résume très bien cet apport. Il dit d'une part qu'il a rouvert la grande nature fermée, et donc on entend cette nouvelle respiration et le fait que la nature existe en tant que nature rencontrable et non pas froide, oui, figurative, allégorique. Et puis qu'il a donné la note de la mélancolie moderne, qu'il a inventée. Et on l'entend ici aussi, qui va venir affecter le lyrisme. Qui me rappelait que dans tout pays, le chant naturel de l'homme est triste. Ce sont des chants mélancoliques. Donc on entend cette voix qui est en harmonie avec l'automne. L'automne qui est la saison de la mort imminente, la saison de la mort vécue. Attends, il n'est pas encore si vieux là, en 1802, Chateaubriand. Et oui. Il va par ailleurs vivre extrêmement longtemps, hein, jusqu'en 1848. Le mélancolique s'éprouve la mort. Oui, c'est, pardon. Le mélancolique éprouve la mort depuis sa prime jeunesse. Oui. Enfin, en tout cas en France. On va voir ce qui se passe en Allemagne, mais en tout cas en France. Alors ce n'est pas seulement la touche politique, le fait que ce contre-révolutionnaire en 1802, on peut comprendre qu'il soit un petit peu perdu. C'est pas seulement ça. C'est vraiment une sensibilité française dont vous dites qu'elle vient de Rousseau, qui fait que le printemps et sa vitalité, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent, les poètes français. En effet, le mélancolique est comme énervé, privé d'énergie. On le voit avec René, qui est un homme errant, une sorte de touriste mélancolique qui ne trouve sa place nulle part sur Terre. Oui. Et à la fin, il reçoit un sermon d'un missionnaire qui lui dit « Mais fais quelque chose pour les autres, rends-toi utile dans la vie de la cité. » Oui. Et il disparaît. Il meurt de façon anonyme à la fin de ce récit. Alors, une chose troublante, c'est que plus tard, dans les décennies qui vont suivre, des grands poètes français ont franchement du mal à célébrer le printemps. Je voudrais qu'on donne deux exemples, qu'on écoute deux exemples assez célèbres. Et puis, je voudrais votre commentaire, Aurélia Foglia-Loiseleur. Écoutons Nerval, le poème Avril de 1853, lu par Lila Bozès de notre équipe. Déjà les beaux jours, la poussière. Un ciel d'azur et de lumière, les murs enflammés, les longs soirs, et rien de vert. À peine encore, un reflet rougeâtre décore les grands arbres aux rameaux noirs. Ce beau temps me pèse et m'ennuie. Ce n'est qu'après des jours de pluie que doit surgir en un tableau le printemps verdissant et rose, comme une nymphe fraîche éclose qui, souriante, sort de l'eau. Et je vous propose d'écouter à présent Renouveau de Mallarmé, lu par Daniel Mesguich. C'est un poème de 1887. Renouveau. Le printemps maladif a chassé tristement l'hiver, saison de l'art serein, l'hiver lucide. Et dans mon être à qui le sang morne préside, l'impuissance s'étire en un long bâillement. Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne, qu'un cercle de fer serre ainsi qu'un vieux tombeau. Et triste j'erre après un rêve vague et beau, par les champs où la sève immense se pavane. Puis je tombe énervé de parfums d'arbres là, et creusant de ma face une fosse à mon rêve, mordant la terre chaude où poussent les lilas, j'attends en m'abîmant que mon ennui s'élève. Cependant, l'azur rit sur la haie et l'éveil de tant d'oiseaux en fleurs gazouillant au soleil. Mais qu'est-ce qui leur prend, Aurélie, Foglier, à l'Oiseleur? Ils ont un mal fou avec le printemps. Nerval, ce beau temps me pèse et m'ennuie. Stéphane Mallarmé, l'ennui aussi qui revient. Et l'agacement face à cette sève immense qui se pavane. Ils tombent énervés de parfum. Est-ce parce que le printemps est tellement plein de vitalité que le poète se sent désœuvré, il n'a plus de fonction face à tant de vie, on n'a pas besoin de lui, c'est ça? On entend ce faux accord entre le corps et la nature. On n'est plus du tout dans une logique de communion ni d'harmonie entre l'être et le monde, mais plutôt de séparation, et voire de rejet. C'est vrai que on voit chez Mallarmé, aussi bien que chez Nerval d'ailleurs, ce paradoxe d'un printemps mélancolique qui n'est pas à l'unisson avec la vitalité du poète. Oui. En fait, il est comme débordé par cette explosion extérieure qui ne correspond pas à un sentiment de puissance créative qu'il expérimenterait à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que pour les Français, les romantiques français, un peu comme le dit souvent Paul Bénichoux, qui a beaucoup travaillé sur les romantiques français, cet auteur français, il y a l'idée que le poète doit déchiffrer des mystères, des choses qui ne sont pas visibles dans la nature, un regard qui m'épie, comme dit Nerval dans un autre poème, un peu caché. Alors que là, avec la nature, rien n'est caché, tout est là. Alors ils sont tous un peu perdus, étouffés, j'ai presque envie de dire allergiques, quoi. C'est tout juste s'ils n'éternuent pas, tant il y a de pollen. Est-ce que c'est lié à cette fonction du poète sacré déchiffreur? Effectivement, ce printemps les rend malades, et peut-être que ce serait une maladie herméneutique, au sens où ils n'arriveraient plus à déchiffrer le monde. Et ce serait un axe de lecture très, très intéressant. Le premier romantisme serait le moment où on cherche encore la clé pour déchiffrer des signes que Dieu aurait laissés dans la nature. Signes un peu cachés, voilà, auxquels seul le poète a accès. Exactement. Et il serait le visionnaire, comme Hugo. Ou comme Lamartine, il saurait lire dans les astres, lire, oui, dans les phénomènes sous les pierres. Exactement. Donc peut-être qu'il y a de cela, ce qui veut dire qu'il se donne quand même, ce poète, un rôle très spécial. Oui. Est-ce que c'est différent, justement, ce point, dans le romantisme allemand d'Daniel Cohn? Les romantiques allemands n'ont pas forcément envie d'être les déchiffreurs de choses cachées. Ils célèbrent ce qui est, cette vie, cette effervescence. Ils sont beaucoup plus réconciliés avec la nature telle qu'elle se donne. Alors, je ne sais pas exactement s'ils sont plus réconciliés. Ils sont joyeux d'entreprendre quelque chose. C'est toujours... au fond, les romantiques allemands partent toujours en voyage. Ils ouvrent une porte... Et ils sortent. Et ce départ leur permet de regarder le monde et de prendre dans le monde tout ce qui est de l'ordre de l'énergie, de la vitalité, de la puissance cyclique. Et c'est un monde plein de sons, les chants des oiseaux sont toujours là, le ruisseau chante aussi. Donc en fait, on est dans un monde où tout chante. En tournant le dos à la maison, cette sortie permet d'apprécier les montagnes, les plaines et tous les sons de la nature. Et donc de se retrouver dans une unité qu'il concevait au départ comme étant définitivement perdu, parce que l'homme moderne, le sentimental, selon Schiller, est quelqu'un qui doit vivre avec la coupure, avec la perte. Donc aller vers la nature, c'est d'une certaine manière dépasser cette perte, puiser dans la force énergétique. Et alors on parlait de nostalgie tout à l'heure. Les Allemands ont deux mots, ils ont la Schwermut, c'est ça la nostalgie, Et ils ont la Sehnsucht. Oui. Et la Sehnsucht est le contraire de la Schwermut, en fait. Ah, ça, c'est passionnant. Je vais vous expliquer. Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'assez, à mon avis, d'assez génial. Oui. Parce que c'est l'idée que, si on fait de l'étymologie sans sombrer dans les pièges heideggeriens, il y a quelque chose de l'ordre de l'arc tendu. Donc, on n'est pas du tout abîmé en soi, on est tendu vers une extériorité. Ça, c'est dans la Sehnsucht ? Oui. Sehnsucht, oui. Et donc, on ne charrie pas ce qui en serait de la nostalgie. Et donc, ce noyau mélancolique, je rappelle qu'en français, en fait, la mélancolie, voilà. C'est une maladie qui est très grave. C'est ça. On est très abîmé. Noire, c'est pas ça. Ouais, non. C'est pas la bile noire. La Sehnsucht s'oppose, en fait, à cette idée d'une bile noire, d'une mélancolie. Et la Schwermut, alors, La Schwermut. Donc, c'est là où l'âme est alourdie de toutes les, de toute la bile noire, quoi. Ça, c'est la bile noire. Oui. D'accord. Ah, donc, il y a vraiment les deux, oui. Il y a vraiment les deux. Donc, ça change les choses et la nature, et un monde à explorer. Donc, elle est pleine de découvertes possibles et l'empreinte de sa vitalité sur l'âme a quelque chose de positif. Après, évidemment, toutes les histoires ne se terminent pas bien. Les voyages ne sont pas toujours heureux et il peut y avoir de tristes fins. Mais il y a l'émerveillement de cette espèce d'exploration comme ça, où on part au hasard, où on n'a pas de but précis, où on se laisse arrêter par ce qu'on regarde, et puis après on continue, et où la rythmique est une sorte d'expérience de la liberté. Alors, on va en parler plus en détail de ce romantisme allemand qui célèbre la nature elle-même en pleine renaissance au printemps. Pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre, nous parlons du printemps toute la semaine, mais ce matin, nous essayons d'analyser la concurrence étonnante entre printemps et automne, deux saisons rivales, et ça se donne différemment selon qu'on est dans le romantisme français ou dans le romantisme allemand. Alors parlons de Novalis, qui est peut-être de tous les romantiques allemands celui qui, d'une manière naturelle, lit de l'enchantement dans la nature. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a produit ou si la nature lui parle à lui spontanément, mais il y a une magie des choses. La nature se donne vraiment à lui avec tous ses secrets et tous ses enchantements. Il a écrit notamment un roman laissé inachevé, Henri d'Ofterdingen, dans lequel il y a une scène célèbre à propos d'une fleur bleue. Nous allons y venir. Mais d'abord, Daniel Cohn, pouvez-vous me dire ce qu'est ce roman ? Alors, ce roman est une tentative de faire autre chose qu'un roman de formation dont la fin est prévisible. Il s'agit de faire un roman romantique. Et le roman est inachevé parce que sa première partie est extrêmement longue et elle a comme sous-titre l'attente. On est dans l'attente. Et le remplissement de l'attente, c'est très court. Il y a une sorte de fin en queue de poisson, en quenouille qui part comme ça, parce qu'il n'y a plus rien. Au fond, il n'y a plus rien à dire. Ce qui compte, c'est cette attente. En fait, ce qui est riche, c'est l'attente. Et c'est l'attente qui transforme la nature en quelque chose de donc, vivant. Et là, après, Noval, c'est quelqu'un qui magique. A une vraie solidité scientifique. Oui. Donc, ça, je pense, c'est un élément très important. Oui. Parce que c'est une autre manière d'explorer la nature. Donc, on l'explore scientifiquement et poétiquement. Et on peut lire les deux, parce que ce qu'on apprend par la science, c'est la poésie. Donc, le faire, la création. Mmh. Donc, ce roman, Henri d'Ofterdingen, c'est comme ça qu'on dit, oui. J'espère, de Novalis, a été publié après sa mort en 1802. Novalis oui. étant mort en 1801. Il a été lu, cet extrait, je viens d'en parler à propos de la fleur bleue, mais vous nous éclairerez, Daniel Cohn, sur ce passage. Ce passage a été lu dans l'émission de France Culture LSD du 25 avril 2019. Je vous laisse à l'écoute. Voilà, on est assise dans une petite grotte avec la vue sur le soleil couchant. C'est très calme, c'est très beau. Et on va lire un petit peu un petit passage de Henri d'Ofterdingen de Novalis. On sent qu'il est dans une quête, une recherche d'absolu en fait. Les parois de la grotte ruisselaient du même liquide, qui n'était pas brûlant mais frais, et qui n'y donnait plus qu'une lumière bleuâtre et sourde. Il plongea sa main dans la vasque et humecta ses lèvres. L'envie le prit de se baigner, irrésistible, il se dévêtit, se plongea dans la vasque. Il lui sembla s'être enfoncé dans un nuage pourpre du couchant. Un sentiment intérieur de délice céleste l'envahit. Ce qui, pourtant, le fascinait, avec la force irrésistible d'un charme tout-puissant, c'était, et ici même, tout auprès de la source, une fleur élancée et d'un bleu lumineux qui l'effleurait de ses larges feuilles resplendissantes. La fleur, alors, se pencha vers lui, et ses pétales épanouis se déployèrent en une large collerette bleue qui s'ouvrait délicatement sur les traits exquis d'un doux visage. Dans un étonnement émerveillé et délicieux qui ne cessait de croître, il suiva la métamorphose singulière, quand brusquement, il fut réveillé par la voix de sa mère et se retrouva là, sous le toit paternel, dans la chambre commune où le soleil matinal déjà mettait son or. Cette fleur bleue, cette scène, une fleur magique, quasiment, se passe-t-elle au printemps, Daniel Cohn ? Je ne sais pas si elle se passe au printemps. Elle se passe dans un printemps intérieur qui est celui du rêve. Oui. En fait, tout l'émerveillement et la magie sont liés à la force du rêve. Et donc, on est dehors, on s'échappe. Évidemment, après, il y a toujours ce retour. Et quand il fut réveillé par la voix de sa mère, malgré tout, le soleil est d'or. Mais le soleil est d'or. Voilà, il est d'or. On se dit que quand même, c'est et on peut sortir et faire la Wanderung. Okay. Mais il y a ce côté où la puissance de l'imagination que le rêve permet d'exprimer est tellement incroyable que la génialité du poète, parce que de mon point de vue, tout ça vient de cette espèce de concept de génie qui est mis en place depuis le Schlemendrink jusqu'à la Rome antique. Le génie peut créer des êtres qui n'existent pas, et ces êtres qui n'existent pas existent autant que les êtres qui existent, parce que l'imagination et l'écriture de cette imagination le permet. C'est une création, un pouvoir de création, peut-être plus fort que le subtil décryptage du poète sacré français qui essaye de voir sous les pierres. C'est pas la même chose. Et peut-être que, du coup, il y a un enthousiasme dans le romantisme allemand à l'égard de toutes les choses de la nature qui se transfigurent sous les yeux des poètes, que les Français n'ont pas de manière aussi immédiate, Aurélie Foglia-Loiseleur. Ici, vraiment, j'ai l'impression d'une naissance. Il y a quelque chose de très utérin dans ce bain, dans les parois d'une grotte. Et la fleur est là pour dire cette sorte de ce sacre par la beauté, qui est aussi une fleur éphémère. Mais ici, elle est vivante et elle est presque maternelle. Et il y a la voix de la mère après. Enfin, vous avez raison, la vie est quelque chose de très important. C'est-à-dire il y a ce vitalisme qui fait tenir les choses. Mmh. Et la nature est maître de cette vitalité, parce que la nature est vie pure, quoi. Et elle est créatrice de forme en permanence, parce qu'elle est une force formatrice constante. Et donc, l'imagination du poète peut égaler cela par son écriture. Alors, après, la grotte, la mine, il y a aussi toute une tradition. Noval, il savait travailler comme ingénieur des mines. Il faut descendre. Et c'est en fait dans les tréfonds que l'on trouve quelque chose qui a l'éclat du ciel le plus pur, du soleil d'or, etc. Donc on conjoint après le souterrain et le supracéleste avec l'aisance des ailes de la fantaisie, quoi. Oui, sous les pierres, on trouve des choses beaucoup plus flamboyantes, vraiment des choses merveilleuses, des choses qui permettent de continuer de rêver au lieu de déclencher un esprit analytique. En fait, on n'interprète pas, on laisse aussi en suspens. Vous parliez tout à l'heure de cette question herméneutique. L'herméneutique en Allemagne se détache du protestantisme et naît exactement à la même époque. Mais la question-là n'est pas d'interpréter, parce que ça voudrait dire rationaliser l'émotion, la sensibilité, etc. Il s'agit au fond de prendre la pureté de l'éclat, la force de la lumière et d'y rester, même si en fait on ne peut pas y rester. C'est pour ça que la mère appelle, c'est le réveil du matin. Une forme d'immédiateté, voilà. De fusion, qu'on n'a pas du tout dans les poèmes qu'on a entendus de Nerval ou de Mallarmé, qui sont des poèmes de la séparation. Oui. C'est les poèmes de l'expulsion d'après naître et d'une sorte de regret où le monde n'est plus immédiatement signifiant. En fait, cette coupure avec l'un, avec la mer, on l'entend ici. Ce sont des poèmes de l'impuissance et de l'ironie. Oui. On parle de second romantisme d'ailleurs. Oui, j'allais vous demander, ce sont des romantiques, on peut dire aujourd'hui Nerval, Mallarmé sont des romantiques? Mais justement, des seconds romantiques au sens où ils sont encore tout de même dans cette réinvention lyrique et dans ce monde recomposé. Mais en même temps, c'est un romantisme placé sous le signe de l'impuissance, de l'ironie, de la séparation, oui. Où ils sont comme des orphelins. Pour reprendre cette idée d'une nature mère, oui. ils sont sortis du ventre en quelque sorte. Mais il y a l'idée que l'imagination créatrice peut réparer toutes les séparations, en tout cas en rêve. Oui. Donc dans la littérature, dans la musique ou dans la peinture, elle a cette force là. Donc que la séparation existe, ils en sont au fond tous très conscients. Mais y a quelque chose qui peut être dénié par la force de l'imagination. C'est une question vraiment supplémentaire. Est-ce qu'ils sont tous les mêmes, les romantiques allemands? C'est-à-dire il y a peut-être une ligne plus tourmentée, moins sereine. Dans un livre, moi j'ai trouvé très beau, mais je pense que vous le connaissez, mais peut-être est-il maintenant un peu dépassé, je l'ignore. Le livre d'Albert Béguin... L'âme romantique et le rêve. De 1937. Non, on ne dépasse pas Béguin. Ah, on est d'accord. Hein. J'ai eu peur. Je ne sais pas ce qu'on fait de Béguin aujourd'hui. Bon, donc c'est admirable. Oui. Il suggère que Novalis, c'est vraiment la ligne la plus enchantée et enchanteuse. Par exemple, Carl Philipp Moritz ou des gens qui étaient plus proches de Sturm und Drang, y compris peut-être temporellement. Il y a d'autres poètes, peut-être moins dans la sérénité à l'égard de la nature. Alors, je crois qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire d'illusions sur ce qu'il en est de la sérénité de Novalis. Je ne pense pas qu'il était totalement serein, mais oui. Il avait cette idée que on pouvait inventer. Il a travaillé sur la question de la combinatoire, de l'inventivité. Donc, il avait quelque chose de très actif. Malgré toutes sortes de douleurs. Après, bien sûr qu'il y a plusieurs romantismes. Et le Sturm und Drang n'en est pas vraiment un. Il est une préfiguration avec sa tonalité. Et surtout, le Sturm und Drang aboutit à la classique. Donc, en fait, la classique lisse un certain nombre de choses, trouve des solutions pour réparer les séparations. Mais les romantiques, la jeune génération, celle qui ferraille contre le magistère de Goethe et de Schiller, ne se contente pas de cela. Donc, Novalis fait partie du romantisme de Iéna. Et avec toute l'admiration qu'ils ont pour Goethe, ils ne comprennent pas pourquoi il rogne lui-même ses propres ailes poétiques pour arriver à quelque chose d'équilibré. Ils ont des doutes sur cet équilibre. Ils sont plus chrétiens aussi. Ils ont aussi un gros problème de reconnaissance par la vieille statue à Weimar. Et ils s'inventent un catholicisme avec rêverie sur le Saint-Empire romain germanique que oui. Goethe... déteste oui. Parce qu'il pense que c'est complètement réactionnaire. Lui, il veut ce qu'il appelle la Weltliteratur, la littérature du monde. Il veut pas du tout retourner à des bases germaniques. Et il est inquiet de ce que la jeune génération veut porter. C'est une génération qui est orpheline de la Révolution et de son échec. Goethe dépasse au fond tout ça. Et là, il y a des tensions. Et Goethe est l'espèce de contrepoint à ce premier romantisme qui lui veut tout explorer, joue sur l'infini, refuse l'idée de limite, alors que Goethe à chaque fois dit non mais c'est par la limite qu'on crée, etc., etc. Donc il y a une sorte de guerre qui est une guerre où Goethe va quand même jusqu'à dire que tout ce qui est romantique est malade, quoi. Donc il attaque très fort. Mais je pense que c'est aussi un choix politique, c'est-à-dire il a peur de cette espèce de délire qui serait une sorte d'enthousiasme délirant et qui tomberait dans des religiosités politiquement dangereuses aussi. Il y a une chose qu'il reconnaît au catholicisme, et ça je pense que c'est assez intéressant, c'est que le catholicisme sait trouver des jeux de médiation, des symboles, et que le protestantisme est extrêmement pauvre en images, en accroches sensibles, et donc très peu enchanteur. Heureusement il y a la musique, mais à part ça il n'y a pas grand chose. Donc il le confie là. Et puis après il y a le troisième romantisme, d'où ce que je voulais avec Dichterlieb, parce que ce sont des poèmes de Heine. C'est-à-dire, après, il y a la distance avec le vice, l'humour et l'ironie qui viennent saper de l'intérieur le romantisme. Je crois que vous voulez ajouter quelque chose, Aurélie Foglia. Oui, c'était juste pour reprendre au bout votre mot récurrent d'enchantement. Oui. Et c'est vrai que... je pensais au titre célèbre d'un essai de Paul Bénichoux qui s'appelle « L'école du désenchantement » et qui intervient assez tôt, en fait. Il vise la génération de 1830. C'est celle de Heine. Et c'est vrai que française, voilà. Et c'est aussi cette blessure politique de 1830. Hein. Ce sont déjà des désenchantés, alors même qu'ils sont dans cette énergie de créer, de proposer la nouvelle formule du romantisme libéral dans les arts, c'est-à-dire ouvert, c'est-à-dire respirant. C'est intéressant comment, en parlant de la nature, en fait, on ne parle jamais d'elle seule. On parle de politique, on parle de religion. Tout cela est dans la question du rapport du romantisme au printemps et à l'automne. Alors, on n'a pas encore vraiment beaucoup parlé de la langue. L'enjeu, peut-être qu'il y a aussi un enjeu autour de la langue allemande pour les poètes romantiques allemands. Mais la langue a comme concurrente peut-être la musique, et le romantisme allemand ne peut pas être compris sans l'apport des compositeurs, des musiciens. Il y a notamment le cycle de 16 Lieder pour voix et piano composé en 1840 par Robert Schumann, Dichterliebe, Les Amours du poète, sur les poèmes de Heinrich Heine. Vous allez nous en parler, Daniel Cohn. C'est peut-être le poème, la pièce musicale romantique par essence. On écoute le premier lead. C'est Stanislas de Barbera qui chante ici le premier lied qui s'intitule « Im wunderschönen Monat Mai ». On est dans le sujet, le mois de mai. Quel est votre commentaire, Daniel Cohn ? Cette première strophe du cycle, tel que Schumann la met en place, c'est l'explosion, c'est les fleurs, c'est les chants doués des oiseaux, c'est le pur moment d'être dans une sorte d'existence remplie de l'existence des autres êtres. Et donc, il y a quelque chose d'éclatant, il y a quelque chose qui... cette idée que, en fait, tout fleurit, et que c'est ça le mois de mai, ça fait partie des voies systématiquement pratiquées par le romantisme allemand. Mais cette explosion magnifique ne veut pas dire que... la chute est très loin. L'automne, que la douleur les intéresse est aussi. Très loin. Oui, c'est-à-dire que l'automne, c'est la douleur. Ouais. Et donc, il y a une tonalité automnale qui vient miner très très vite l'explosion heureuse. Donc, on aime, tout est... parce que le printemps est lié à l'amour et à la confiance que l'amour est définitif. Et très très vite, la douleur arrive, la trahison, la mort, la rupture... Alors justement, le cycle, peut-être que c'est ça le sujet derrière cette concurrence apparente entre printemps et automne dans le romantisme, qu'il soit français ou allemand, avec des variations. Peut-être le vrai sujet poétique est-il le cycle que ces deux saisons représentent. C'est, me semble-t-il, ce que dit Pascal Quignard dans cette interview sur France Inter le 28 août 2023. Au tout début, ce qu'on appelle « heure » en français, s'appelait « oraille » en grec, c'était les deux portes du temps qui ouvraient le ciel. Le printemps, l'hiver, la lumière qui revient, la renaissance, la mort, la renaissance, la mort. Cela forme une sorte de cycle perpétuel qui est actuel, donc je dirais, qui est toujours aussi merveilleux. Et si vous voulez, il y a quelque chose que l'on ne découvre qu'en vieillissant et qui est curieusement... la bénédiction du fait de vieillir, c'est que cette rotation des saisons, cette rotation des heures est de plus en plus belle parce qu'on peut les comparer les unes aux autres. Le printemps, au tout début, lorsque nous crions dans l'enfance, nous ne connaissons même pas l'heure des oiseaux, on ne sait même pas le nom de la mésange par rapport à la bergeronnette, ou quand arrive, du haut du ciel de Turquie, une tourterelle. On ne connaît pas ces noms-là, ni la mûre, ni même la primevère. Tandis qu'en vieillissant, on connaît les heures de tout. On profite des saisons de plus en plus. On devient de plus en plus, proche de la nature, alors qu'on y périt un peu. On est proche de la nature, on est dans sa vie à elle, alors qu'on y périt aussi un peu. Cela dit, elle périt aussi un peu. Mais c'est ça l'enjeu pour le poète, qu'il soit français ou allemand. Vous pensez, Aurélie Foglia, l'Oiseleur, c'est s'approcher de ce cycle vie-mort. On se rappelle en poésie que le corps est saisonnier et qu'il a ses cycles. On reste quand même sur l'image des âges de la vie, des saisons, de la femme, de l'homme. Et finalement, cet épanouissement et puis cette flétrissure, elles adviennent à chacun. Et en poésie, on peut se souvenir de ce temps. Après, la nature a un avantage sur nous, c'est qu'elle est cyclique. Alors que nous, en tant que mortels, nous sommes soumis à un temps linéaire qui est plutôt tragique puisqu'il va vers la fin. On n'a pas la même promesse de renouveau. Et cela dit, il y a beaucoup de possibilités de vie et de mort dans une seule vie. Et la poésie aussi est là pour raviver ces expériences qui sont des éclats d'intensité et qui font qu'on peut se sentir renaître ou mourir dans l'espace du poème. Et dans ces cycles de la nature qui, elle, a cette chance d'en avoir plusieurs, chez nous, il y en a quelques-uns, mais enfin... Comme vous venez de le dire, la fin est tragique, nous ne renaîtrons pas à nous-mêmes, sauf si on le croit. Est-ce que, Daniel Cohn, vous pensez que le contact de la cyclicité de la nature est plus vivifiant pour les romantiques allemands que pour les Français, où tout cela les renvoie justement à leur propre fin ? Je suis toujours un peu méfiante, mais... C'est parce que je n'ai pas de réponse. vis-à-vis de la comparaison systématique entre ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en France. Parce que comme les rythmes sont différents, c'est difficile à faire. Après, c'est sûr que le rapport entre nature et histoire se joue différemment en Allemagne d'en France, parce qu'en France, l'histoire a pris la main avec la Révolution française. Et que les Allemands demeurent orphelins de la Révolution jusqu'au printemps des peuples de 1848, où là, ils essayent de... Toujours à la politique. J'ai vraiment cette impression, moi aussi, que chaque fois qu'on parle de la nature, en fait, c'est ça. On revient vers la question politique. Donc la nature n'est pas une fuite, elle est un modèle pour l'artiste, parce qu'elle est un modèle de création. Donc elle a cette capacité de profusion géniale qui est celle que le poète recherche, ou le musicien, etc. Évidemment, est inclus toujours la perspective du pourrissement, de la défaite, de ce qui ne va plus, et d'une mort. Mais ce que la nature promet toujours, c'est une renaissance. Oui. Elle est garantie, en quelque sorte. En tout cas, à cette époque, elle est considérée comme garantie. Donc, l'histoire est moins lisible, et l'histoire met en cause la vérité et la moralité des hommes. Donc, la nature nous fait échapper à ça. Donc, elle reste une porte pour un voyage. Alors maintenant, j'aimerais que vous nous parliez c'est inévitable sur ce sujet de Parsifal, le dernier opéra de Wagner. Bon, tout à l'heure, vous avez dit que Goethe trouvait une certaine jeunesse romantique après lui, un peu trop nationaliste et un peu trop catholique à ses yeux, était malade. Il se trouve que c'est le terme qu'emploiera Nietzsche pour parler de ce dernier opéra de Wagner. Est-ce que quelque chose d'excessif se joue là? Une outrance romantique, pour Nietzsche, c'est insupportable que Wagner se soit comme ça complètement converti au catholicisme à la fin de sa vie. C'est hystérique, c'est encore un mot nietzschéen. Et il préfère aller chez les Français, tiens, comme on retrouve la comparaison, chez Bizet, écouter Carmen, que d'écouter ce dernier opéra. J'aimerais votre analyse, et puis évidemment, il y a la question du printemps aussi, qui n'est pas lointaine. Alors, je pense qu'il y a le couple Nietzsche-Wagner est un couple avec une relation plus que compliquée, parce que malgré le rejet de Nietzsche du Parsifal, parce que ça serait un opéra chrétien avec tout ce qui irait avec ce que Nietzsche déteste dans le christianisme, malgré tout, musicalement, il y a deux opéras qui le sauvent, c'est Tristan et c'est Parsifal. Il y a ça. Après, il y a une question politique. Je suis désolée d'y revenir à chaque fois. Merci, moi je vous remercie en tout cas. Mais il se trouve que, en fait, ce qui fait que Nietzsche quitte Wagner, parce que c'est une sorte d'histoire d'amour où l'un quitte l'autre, il le quitte parce qu'il le trouve lamentablement antisémite, ayant besoin d'un culte de lui-même qui est bouffon et grotesque, donc un manque de vertu, de virtu, qui trouve totalement lamentable. Donc ça prépare l'essai de Thomas Mann sur Wagner, où Wagner est un petit bourgeois lamentable. Mais le Parsifal est un opéra étrange. Wagner n'est jamais devenu catholique, il était à moitié bouddhiste. Enfin, tout ça est un éclectisme mal ficelé, dont il se moque complètement de tout ça. Il est marqué par la légende arthurienne, ça c'est sûr. Le Moyen Âge. La quête du Graal. Et la quête du Graal. Et après, il se préoccupe de ce qu'il en est du salut. Oui. Et alors il y a ce moment en suspens, l'ouverture du troisième acte de Parsifal, qui est l'enchantement du Vendredi Saint. Alors on va tout de suite l'écouter, mais juste un dernier mot de vous, s'il vous plaît, Aurélie Foglia-Loiseleur. Les romantiques français ont diffusé dans tous les courants politiques. J'ai l'impression qu'ils ont, même beaucoup sont devenus franchement républicains, comme Hugo, comme Lamartine. Et du coup, on n'a pas ce problème. Je suis d'accord, il ne faut pas simplifier France-Allemagne, ne pas surjouer les divisions. Mais quand même, il y a en Allemagne un moment politique hyper nationaliste, antisémite, tout ce que Nietzsche a repéré chez Wagner, qu'il incarne tellement bien. Les Français ont un peu échappé, non, à cette ligne-là du romantisme. Oui, elle viendra. Peut-être que le romantisme a été le terreau de beaucoup de nationalisme, à vrai dire. Hein. On ne peut pas du tout évincer cette idée. Après, peut-être que ces nationalismes se sont réveillés au moment d'une forme de décadentisme et au moment du positivisme aussi, où on a eu des théories, des races, etc. Mais voilà, une sorte de fin 19e siècle qui est lui aussi malade et toujours plus malade et décadent. Donc ça ne nous a pas épargné quand même. On dit encore que le romantisme est l'inconscient du 20e siècle. Enfin, il y a quand même des lignes de fond qui font que le romantisme ne nous a pas quittés sous diverses formes, sous diverses tendances. Mais on ne peut pas le rendre responsable non plus de tous les maux. C'est sûr. Voilà, il continue à nous habiter, en tout cas. En tout cas, vous entendez, pendant que vous prononciez ces derniers mots, l'enchantement du Vendredi Saint dans l'opéra Parsifal de Richard Wagner, un opéra 1892, un an avant sa mort. qu'est-ce que vous venez de me dire là, Daniel Cohn, sur les fleurs? C'est-à-dire que cette entrée du troisième acte, un peu tonitruant pour montrer que le sauveur est trouvé, elle se fait dans un monde qui est un hiver permanent. Et Gournemans, qui est l'éducateur, lui dit « oui, mais c'est le Vendredi Saint ». Et Parsifal regarde, après avoir été ouin, regarde la nature et voit les fleurs qui se lèvent et dit mais elle devrait pleurer, c'est le jour de la mort du Seigneur. Et Gournemans lui dit mais non, pas du tout. Tout le monde se réjouit parce que le Sauveur arrive. Et cette idée que la floraison de la nature permet le salut, c'est assez... C'est Wagner. C'est Wagner. Merci Daniel Cohn, merci Aurélie Fogliel-Oiseleur pour toutes ces précisions sur les romantismes français et allemands, leur rapport au printemps et à l'automne. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms qui nous parle cette semaine de la mémoire. C'est le pourquoi du comment. Comment partager la mémoire collective? Il se peut que les grandes controverses philosophiques sur la mémoire soient réglées parfois souverainement par des artistes. Pas seulement d'ailleurs par des écrivains, même si c'est un écrivain que je vais recourir ici, mais parfois par des cinéastes, par des musiciens, parce que les grandes expériences, par exemple du temps, de la vie ou de la mémoire, les artistes les dépassent en tout cas les problèmes qu'elles nous posent, et c'est bien normal qu'elles en posent, les dépassent par des gestes créateurs qui déplacent aussi le problème. Bien sûr, on pense à Proust avec « À la recherche du temps perdu » qui déplace radicalement le problème de la mémoire du côté aussi de la mémoire involontaire et des intermittences du cœur, ces chagrins qui nous révèlent aussi un passé immuable et absolu. Mais il faudrait penser aussi à un autre grand livre qui a tranché des grandes querelles philosophiques sur la mémoire. Je pense à ce petit ouvrage de Georges Perec, « Je me souviens », sous-titré aussi « Les choses communes ». Et ce n'est pas anodin. La querelle que Perec vient trancher, qui n'est pas celle de l'oubli et du retour du passé comme Proust, c'est celle de la mémoire individuelle et de la mémoire collective. Coup de génie. Je me souviens, c'est apparemment la mémoire individuelle, personnelle, incomparable, impartageable, mais non, voilà qu'il s'agit des choses communes, des choses collectives. Et Perec convoque tout un passé collectif, un passé partagé, permettant de retrouver les grandes thèses du premier grand sociologue de la mémoire, Maurice Halbwachs, élève de Bergson, mais plutôt proche de son concurrent, en quelque sorte, Émile Durkheim, sociologue pour qui l'esprit est d'abord collectif et sociale, et Halbwachs l'applique justement à la mémoire. Dans son grand livre « Les cadres sociaux de la mémoire » en 1925, ou dans « La mémoire collective », il montre que toute notre mémoire vient du social. Alors ce sont les grands événements collectifs, mais aussi les événements que nous nous répétons, par exemple dans une famille. Qu'est-ce que c'est que mon enfance? Est-ce que c'est enfoui dans ma mémoire? Ou est-ce que c'est les photos sélectionnées qu'on ne cesse de me montrer, les petites légendes, les textes répétés à force d'être lus, ou sacrés à force d'être répétés, que l'on m'inculque et qui construisent ma mémoire sur des bases collectives et sociales et jamais individuelles. Il y a donc ce conflit très tense, très violent dans les années 20 et dans les années 30. Et voici que Perec, dans les années 60-70, le tranche souverainement. Je me souviens, les choses communes. Lisons par exemple les deux premières. Je me souviens que Ray Dacquer est passé en attraction au cinéma de la Porte de Saint-Cloud. C'est le 1. Puis le 2. Je me souviens que mon oncle avait une 11 chevaux immatriculée 70-70 RL 2. Quel est alors ici le génie de Perec? C'est que, évidemment, il y a ici un partage de la mémoire collective. Ces souvenirs ne sont pas purement individuels. La preuve, c'est que nous qui ne sommes pas de la même génération que Perec, le mot de Ray Dacquer ne nous dit rien. Et bien sûr qu'inversement, ayant vu des films avec des 11 chevaux, ou en tout cas des voitures de l'époque, comme les 4L ou d'autres, eh bien nous savons situer dans le passé collectif les souvenirs individuels de Georges Perec. Mais dans ce « Je me souviens », que mon oncle avait une 11 chevaux, ou je me souviens que Ray Dacquer est passé en attraction au cinéma de la Porte de Saint-Cloud. Il y a aussi, évidemment, le contexte individuel, la coloration de la vie de Perec lui-même. Dans les interstices des « je me souviens » qui se succèdent, il construit à la fois une mémoire collective et individuelle, un partage du collectif et un partage de l'individuel, un partage même de l'impartageable, de cette mélancolie, y compris du souvenir de ses propres disparus. Alors la clé, c'est évidemment justement l'écriture, littéraire qui situe dans le passé, mais dans un passé compliqué, un passé de l'un et un passé des autres, un passé recréé et un passé véritable, un passé historique et un passé littéraire, une création du passé pour survivre dans le temps. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Sam Bakiast avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Axel Dubois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Chaïma Giboire, Lila Bozès et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!